merci d'avoir écouté. Même pour deux titres, y'a comme de l'amertume dans ce dernier tour de piste, tu sais. C'est bizarre, l'impression que je m'égare. Dans mon cœur, c'est le blizzard. Et puis je misère à éclore. Je respire enfin, ou plutôt j'expire enfin. Un désert dans la gorge, je désarme cette rancœur. Parce que la route est longue entre les peines et les coups. Vini, vidi, et j'ai pas vaincu l'appel du doute. Je rêve d'unité, comme le traité de Maastricht. Mais je suis pas prêt d'être retraité de la page triste. Tu voulais savoir qui j'étais dans ton question de base. Une question sans réponse et la réponse à ta question de base. Bref, est-ce des larmes ou un torrent de pluie? J'aurais qu'un sale rappeur si le projet t'aura plu. Alors je mets les voix de musique, reste un port d'appui. My name is anonyme et ouais encore un de plus. Un technicien de surface entre caca et ses mères. Un anti-héros entre Kafka et ses scènes. Société de consommation, même la musique s'imprègne. Elle est un lot de consolation, qu'est-ce tu veux t'amuser après? Veni, vidi, et vaincu par les kings. Mais suis-je réellement perdant sans tous leurs coups marketing? Je reste simple et honnête, donc fidèle à moi-même. Rempli de miséricorde comme la disquette à Wallen. La colombe et ses prises de bec, je fais en sorte de m'y faire. Mais je suis confronté à un marathon sous somnifère. Quel est ce sortilège faisant nous des moutons oisifs? Je refuse de partir donc d'avoir les poumons moisis. Mais laissez-moi, parce que vos règles me rebutent. Quand je veux, je peux pas. Et quand je peux pas, je veux plus. Face à la réalité en plan que sa conscience. Veni, vidi et vaincu par ce manque de confiance. Mais pour ça y'a l'amour, je crois avoir trouvé ma grappe. Quand elle baissait les bras, moi je montais la garde. Pour eux, salon fleuve tranquille où s'est noyée la bohème. Un conte de fêtard a ennuyé un poète. Des regrets, non, y'a pas pesé le pour et le contre. Faut juste un peu mélanger cet amour et puis le conte. J'aurais jamais été un champion en saut d'humeur sans madame et puis mademoiselle. Comment battrait mon cœur? Parce que. Parce que je me suis arrapé. La rime est pas fenêtre, j'aime pas le déjà vu. Surtout quand il entend son air dans tout ça. J'oublie pas où sont mes racines. Que l'humanité fane quand la haine fleurit à mes registres. J'fais pas de quartier, merci ma mère, mon père. Appelle-moi l'anonyme, c'est plus rapide que bouteille à la mer. Non, mais laissez-moi, non, non, mais laissez-moi. Veni, vidi, musique, je te le dis, un jour on vaincra. Bref, que restera-t-il demain de moi? Si je diminue pour m'oublier, faudra peut-être 10 minutes. Plusieurs allers-retours, Dijon-Paris, plusieurs milliers de rimes. C'est la confiance qu'a donné cette cabine, un simple anonyme, musique. Je te quitte au pôle son, autant de compassion que de peau. Je t'aime, une passion jamais remise en cause. Je fais pas de quartier, je remercie ma mère, mon père. Appelle-moi l'anonyme, c'est plus rapide que bouteille à la mer. Avant d'éteindre la lumière, Masto, je voulais te remercier. Toi-même, tu sais, de moi une ville qui reste gravée. Merci à Josny, à ma sœur, à mon cœur de démon. Ça fait Jazzefa et Ville, Venom et Slimane. À la Bemaz, Lighton, futur proche. Protagonique, ce slam, la confiance et tous ceux qui sont dans mon cœur. À celle qui habite Nam, l'expression est devenue jamais douce en toi. Veni, Vedi, peut-être jamais 203. Humblement, l'anonyme. Peace.